بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de Infic par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 23 تسوية الأركان والاعتدال من الركوع. Les critères à observer en se relevant de l'inclinaison. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et le musulman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa intabi'a atharahum wa ktafa. Amma ba'da fi innas daqal hadithi kitabullah wa khayla hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنبدأ إن شاء الله dans la مراجعه du cours de la semaine dernière. Donc parmi les choses qu'on a pu voir la semaine dernière, c'était la description du ruku', de l'inclinaison. كيفيته الركوع. On a pu voir pour cela qu'il y avait une manière bien spéciale de se positionner pendant le ruku'. Parmi ces choses-là, barakallahu fikoum, c'est le fait de poser sa main. Qui peut nous expliquer brièvement les choses à faire lorsque la personne est en ruku'? Quelle est la description qui doit être observée lorsque la personne est en ruku'? Ce cas, la réponse, inshallah, est faddal. Posez les mains sur le genou. Les doigts écartés. Kazalika. Naam. On doit mettre donc les mains sur les genoux, les doigts écartés, comme si on prenait les genoux. Et en étant appuyé par les mains sur les genoux et en écartant les coudes du corps. Naam. Maintenir ses genoux avec ses mains de façon à ce qu'il soit stable. Naam. Jayid. Donc, yani, mashallah, ce que vous avez pu évoquer, c'est un résumé, yani, jayid, de ce qui doit être observé pendant barakafikum al-ruku'. Donc, inshallah, on va passer au jugement. Donc, il nous a dit qu'il fallait poser les mains sur le, ou plutôt, naam, poser les mains sur les genoux. Qu'est-ce qui est voulu par les mains? Est-ce que c'est le coude? Est-ce que c'est l'avant-bras? Est-ce que c'est le triceps? Qu'est-ce qui est voulu par les mains? Lorsqu'on dit poser les mains sur les genoux. Naam. La paume. Du bout des doigts au poignet. Naam. Du bout des doigts au poignet. Il y en a une personne peut te dire, bah, ça peut être la main, c'est marouf, la main ça peut être jusqu'au coude, ça peut être jusqu'à l'épaule, tu vois. Y en a, comment t'en arrives à juger que c'est la paume, ou bien du bout des doigts au poignet? Non, mais ça n'est pas restreint. Non, car la règle, dans le char, c'est ce sens-là, et rien de précis. Parce que si cela n'était pas restreint, c'est la paume. Naam, hada huwa. Comme a dit le cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit à partir du moment que la main n'est pas restreinte à une autre partie du bras, tu dois, le sens qui est voulu par la main, c'est quoi? C'est le poignet. T'as même de la paume au poignet. De la paume jusqu'au poignet. Arsentum. Yani, les paumes doivent être placées sur les genoux. T'as même. Et quel est le jugement de cela? Le fait de placer sa main sur ses genoux. C'est obligatoire. T'as même. Quelle est la preuve? Qui se rappelle de la preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, après avoir abrogé la première façon de ham, la première façon qui était qu'ils mettaient leurs mains entre les cuisses ou bien entre leurs genoux. Et Nabi Sassam, il a interdit cela et ordonné de mettre les mains sur les genoux. Donc le fait qu'il ordonne, c'est une obligation à partir du moment qu'il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Et c'est le cas ici, rien ne prouve le contraire qui dérive ou bien qui dévie l'obligation vers la recommandation. Donc cette chose-là est obligatoire. Cette chose-là est obligatoire. Le hadith, il est muttafaqun alayhi, un hadith Mus'ab ibn Sa'd, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhum. Et parmi les kayfiyas que vous avez pu évoquer, c'est le fait qu'il y a les cas de, d'écarter les bouts des, comment ça s'appelle, écarter les doigts lorsque la main allait. Lorsque les mains plutôt sont sur les genoux. Quel est le dalil qui prouve cela et quelle est l'obligation, ou plutôt quel est le jugement de cela? C'est une recommandation. Le dalil? Recommandation. Naam. Quel est le dalil pour ceux qui ont jugé d'une recommandation? Le hadith, yani, anna nabi sallam kana yufarriju asabiha. Le hadith qui a été évoqué, je crois, par Ibn Khuzaima et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc, ce qui nous prouve que Nabi Sallam avait pour occasion, ou plutôt habitude de faire, pour sunna de faire. Donc, le fait qu'il fasse une chose, ceci nous prouve, au premier degré, que cette chose-là, elle est recommandée. À part s'il y a une chose qui montre que son geste est une obligation, donc on dévie la recommandation vers l'obligation. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, on laisse le jugement tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est une recommandation. Quel est le jugement quant au fait de, vous avez pu évoquer, le fait d'attraper ses genoux? Rukbati. Fard. Fard. Qui est d'accord avec le participant A? Il y a un hadith. Naam. Lakin le hadith. Évoque-nous le hadith et Inch'Allah, on va en déduire de ce hadith-là, on va en déduire les jugements. Le hadith qui a été évoqué dans cela, Barakallahu fik, c'était hadith Anna Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, fi hadith Abi Hamad al-Sa'idi, ma radiyallahu ta'ala anhu, عند l'imam Abi Dawud, wa sahahu Sheikh al-Albani, qui dit أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصف الصلاة فقال أو فوضع يدي على ركبتي كأنه قابض عليهما. Il dit j'étais la personne la plus informée, puis après il s'est mis à décrire la salat du prophète صلى الله عليه وسلم, et il a posé ses mains sur ses genoux, sur ses sahabi, tout en attrapant ses genoux. Donc dans ce hadith-là, il n'a pas été évoqué que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lui a ordonné de faire cela. Ou bien lui-même, il a ordonné de faire cela. Mais il a décrit, tu vois. Il a décrit. Donc le fait qu'il a fait cette chose-là, même c'est une description. Donc le fait qu'il décrit, c'est le fait qu'il fasse. Le fait qu'il fasse le geste, yani, l'acte, on ne peut pas déduire à travers l'acte, yani, d'une chose qui est obligatoire. Donc cette chose-là, elle est quoi? Elle est mustahabba. Ce qui est obligatoire, c'est le fait que ta main soit où? Sur tes genoux. Ensuite, est-ce que, si jamais maintenant tes mains sont sur le genou, mais comme on le voit chez certains frères, ils n'écartent pas leurs doigts. Ou bien tu sens qu'il a mis ses mains à plat, de façon que à tout moment il peut glisser. Ceci, on dit qu'il a délaissé quoi? La sunna. Il a délaissé la chose qui était meilleure pour lui de faire. Ah, maintenant, si jamais il met ses mains sur ses genoux, ou il va mettre ses mains sur, maintenant on va dire sur ses tibias, ou met ses mains sur le derrière de sa cuisse, tu vois. Tout cela, on dira, là, il est athim. Là, il est athim. Là, il a été, barakallahu fikum, là, il a commis un péché parce que Nabi Sallam, il a ordonné de mettre les mains sur les genoux. Ensuite, le fait d'écarter, le fait de tenir ses genoux, ça, c'est une sunna. Ceci est une sunna et c'est pas une obligation, car on n'a rien qui nous prouve cela. Il n'y a rien qui prouve que l'ordre est venu sur cela. Et Cheikh Al-Albani, wallahu a'lam, lorsqu'il dit que c'est une obligation, wallahu a'lam, il prend le hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli. Tamam. Et il doit prendre aussi كذلك le hadith qui dit amara an-nabi sallam an nada' yadah aw aydina 'ala ar-rukab. Donc le fait que an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam marla fikum ilardan, comme c'est dans le hadith, qui pose ses mains sur les genoux, Cheikh Al-Albani wallahu alam, il prend ce hadith là pour en faire une généralité, c'est-à-dire que il dit que le fait que an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné de mettre les mains sur les genoux et ensuite lui-même il a décrit la manière dont il mettait ses mains, c'est-à-dire d'écarter les doigts Marlofikum et Kadalika, de tenir ses mains comme si jamais, tenir ses genoux comme si, plutôt de tenir ses genoux, il nous dit, en fait, là, il est en train d'écrire la chose qui est obligatoire. Vous voyez un petit peu comment il est arrivé à en déduire l'obligation d'écarter les doigts et de tenir ses genoux. Il dit, la description d'ouvrir, d'écarter les doigts et de tenir ses genoux, Nabi Sussam, il n'a fait que décrire la chose qui est obligatoire, qui est de poser ses mains sur les genoux. Lakin, wallahu alam, yani Kadalika, on peut aussi délibérer et débattre et dire, que Nabi Sallam il a juste ordonné de mettre ses mains, et quant au fait d'écarter les doigts et d'attraper les genoux, c'est une chose qui est quoi? C'est une chose qui est recommandée, tamam. C'est une chose qui est recommandée, et quoi qu'il en soit, même si c'est recommandé une obligation, tamam, il ne se doit pas d'être délaissé, ayyu, as-salafiyyun, tamam, parce que c'est nous qui sommes le plus en droit d'appliquer les sunan tamam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si jamais c'est recommandé, inshallah, on ne doit pas délaisser cette chose-là. Car quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il avait pour habitude de le faire, on ne connaît pas qu'il a délaissé cela. Tamam. Et on ne connaît pas qu'il a délaissé cela. Donc inshallah, il faut s'en tenir à cela, qu'on voit l'obligation ou bien la recommandation. Amma celui qui voit la recommandation, c'est-à-dire que yani, s'il ne le fait pas, il est pécheur, tamam, il a combien péché. Celui qui voit ses recommandations, il a délaissé une chose qui est bien meilleure pour lui. وكذلك بارك الله فيكم من السنن. On avait pu voir, comme vous avez dit, c'est d'écarter naham les coudes, tamam, des hanches. Qui nous se rappelle du dalil par rapport à cela? Personne ne se rappelle le hadith qui a été évoqué au à la kulahal et authentifié par Cheikh Muqbal rahimahullah ta'ala. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ركع اسمه جخا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع جخا. Il nous dit jamais est-ce معنى جخا, c'est-à-dire qu'il écartait ses membres de ses hanches. Donc le fait qu'il a fait cela, ceci nous prouve que Barthelofikum, c'est une sunna. Car le premier degré des actes du prophète, c'est quoi? La recommandation. Ce jugement est la recommandation et non l'obligation. Parmi les choses qui ont pu être évoquées dans la description du rukou, c'est que Barthelofikum, le dos, il doit être droit. Le dos, il doit être droit. Il nous a dit Yamud dhahrahu yabsutuh. Quel est le jugement de Barthelofikum de mettre son dos droit pendant la prière? C'est recommandé. Quel est le dalil? Si vous rappelez bien, son jugement c'est que c'est une obligation. Car le prophète sallam l'avait ordonné. Faqala nabi sallam wamdud dhahrak. Puis, yani, étend ton dos. Tu dois étendre ton dos. Le hadith Aïcha, dans Muslim, il nous prouve que le dos il doit être droit. Mais est-ce que maintenant, dans ce hadith-là, il est montré qu'il y a comment ça s'appelle, le jugement, même quand on fait de tenir son dos droit? Non, il n'est pas évoqué. Dans le hadith Aïcha, radiyallahu anha, c'est évoqué, yani, que Nabi sallam, il mettait son dos droit. Comme on a pu le dire, le premier degré des actes du prophète sallam, c'est la recommandation. Là, on a un hadith qui nous prouve que c'est une obligation dans laquelle Nabi sallam, il a ordonné cela. Il a dit, wamdu dhahrak. Et ensuite, yani, étends ton dos. Et ce hadith-là, il a été évoqué dans le hadith de celui qui ne savait pas prier. Lakin, la ulama, on ne connaît personne qui a jugé de cela que c'était un rukn. C'est-à-dire que la personne qui a le dos un peu courbé, puisqu'on dit que sa prière elle a annulé, parce qu'il n'a pas tenu son dos courbé, ce n'est pas connu des ulama qui ont évoqué cela. Ce hadith-là, il nous prouve, ou plutôt, tu as l'impression, il y en a d'apparence, que Nabi Sosam, il adresse cet ordre-là à la personne qui ne savait pas prier, parce que tu retrouves un peu l'énoncé de ce hadith et l'énoncé qui est connu dans le hadith de celui qui ne savait pas prier, ils sont un peu semblables. Donc les ulama, ils ont pris cela pour dire que c'est un pilier, parce que la personne peut dire, ouais, naham. Ça fait partie des énoncés de celui qui s'est appris. Donc, comme on a pu le voir avec la parole de l'imam Ibn Rajab, par l'unanimité des savants, toutes ces choses-là font partie des piliers. Lakin, Wallahu alam kama qultu lakum, la semaine dernière, ou plutôt vendredi dernier, ce hadith-là, yani, d'apparence, il a l'air d'être adressé à celui qui s'est appris. Lakin, on n'a pas un texte yani, vraiment précis qui nous prouve que Nabi Sosam, yani, il avait naham évoqué cela à celui qui s'est appris. Donc, on reste sur l'obligation par rapport au fait qu'il a ordonné, il a dit Wamdud waharak. Et par rapport au hadith, quel est le jugement du hadith? Si jamais son dos il était tellement droit que si jamais on aurait versé de l'eau sur son dos, l'eau elle serait restée, l'eau n'aurait pas coulé. Il est faible, c'est un hadith qui est faible. Le hadith il est faible, il n'a pas lieu d'être. Lakin, comme on a dit, on se passe de cela par hadith Aïcha, comme l'a évoqué participant A. Hadith Aïcha dans lequel قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركوع la yushkhisu ra'sahu wa yusawwibuhu. Le professeur sallam, lorsqu'il était en rukou, il ne levait ni sa tête et ni il a baissé. Ceci nous prouve que yani, son dos et sa tête ne pouvaient être que rectiligne. Tamam. Parce que le fait que tu laisses ta tête droite, ton dos aussi, kada lekay, va suivre. Tamam. Car lorsqu'il est courbé, ton dos, ta tête va être baissée. Et lorsqu'il est courbé vers le bas, ta tête va être élevée. Ah, mais si jamais il est rectiligne, ta tête, inshallah, elle va être droite. Parmi les choses qu'on a pu le voir, les askar qui doivent être dit, les askar, les invocations qui doivent être dit pendant un recours. Yani par rapport, yani il y a hadith, hadith Hudhayfa dans lequel Nabi Sallam yani, kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiya al-azim, subhana rabbiya al-azim, comme il fait Hudhayfa. Ça, c'est la chose qui est la plus connue et qui est conforme directement avec l'ordre du prophète sallam dans lequel il a dit « Amma fi al-ruku' fa'azzimu fiha al-Rabb » du hadith Ibn Abbas, rapporté par Muslim, dans lequel le Nabi sallam il ordonne dans le ruku' d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que tu dis « Subhana Rabbi al-Azim » même tu rentres directement et en conformité avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les cas, parmi les choses qui est bon de dire pour le ruku' « Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik » ou dans les cas, tu peux dire « Subhanaka Allahumma wa bihamdik Allahumma khfirli » et dans les cas, on a pu voir « Subhuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh » ou dans les cas, « Subhana Zil Jabalut wal Malakut wal Kibariya wal Azamah » ou dans les cas, tu peux dire « Kadhalika barakallahu fikum » et on avait dit c'est celle-là qu'il fallait apprendre qui était bien. Allahumma laka raka'at wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi, dans laquelle on ressent vraiment la formule d'unicité, la formule de tawhid, la formule de la vénération, que tu es soumis, que tu as soumis tout ton corps entièrement à Allah azza wa jal et que tu le vénères. Donc ça c'est les choses qu'on a pu voir parmi les invocations qui sont légiférées à dire dans Al-Ruku'ah. Donc, il faut se contenter à ne pas sortir de la sunna du prophète sallam, car la meilleure des guidées, c'est celle du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on entre dans le dars aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى تسوية الأركان. Donc, le fait que, les arcanes, c'est-à-dire les piliers de la prière, soient tous à peu près de longueur équivalente, que ce soit le rukou, que ce soit le shujud, et l'arkan, qu'est-ce qu'il voulait parler, yani les choses qui ont le jugement du rukun, les choses qui ont le jugement du pilier dans la prière. Tamam, il nous dit que ces choses-là doivent être de longueur équivalente, c'est-à-dire lorsque tu marques un temps d'arrêt dans le shujud, lorsque tu marques un temps d'arrêt dans le rukou, après que tu es revenu dans le rukou, tamam, après la lecture, tamam, lorsque il a khirihi, entre les deux shujud, tamam, ce temps d'arrêt-là doivent être à peu près de longueur équivalente. قال ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول. Il dit, fait partie de la sunna, l'imam al-Albani, donc le jugement de ce qu'il évoque, qu'est-ce qu'il va évoquer après, c'est que c'est une sunna, c'est-à-dire c'est que c'est une chose qui est recommandée. قال ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول. Il fait partie de la sunna que tu marques une longueur équivalente entre les piliers qui sont évoqués dans la prière. قال فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السجود من السواء. Et nous dit Cheikh Al-Albani, donc ceci implique que tu mettes entre ton ركوع, tamam, et lorsque tu reviens du ركوع dans le sujoud et entre les deux sujoud, une longueur qui soit équivalente, tamam, entre ces quatre choses là, ركوع القيام منه, c'est lorsque tu reviens, السجود والجلسة بين السجدتين. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خل القعود والقيام قريبا من السواء. متفق عليه. Dans ce hadith-là, il est évoqué que le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude, lorsqu'il était en ركوع, en sujoud, et entre les deux sujoud, et lorsqu'il revenait du ruku', à l'exception dans le dernier tashahhud, et lorsqu'il lisait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il marquait un temps d'arrêt d'une longueur qui était à peu près équivalente. C'est-à-dire que tu ne dois pas respecter vraiment. Ça m'intéresse, on va dire, 5 minutes en ruku', ça ne veut pas dire que tu dois rester 5 minutes, kadhalika, après que tu es revenu du ruku', ou bien en sujoud, ou bien entre les deux sujoud. Mais, tu dois marquer une longueur qui est à peu près équivalente, comme l'a dit Al-Bara ibn Azib, yani qarib al-minasawa, c'est-à-dire d'une longueur qui est à peu près équivalente. Et ceci, comme on a pu le voir, barakatoufikoum, c'est une chose qui est recommandée, recommandée de faire, et pas tout le temps, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de délaisser cette chose-là, cette sunna-là. Car parfois, comme ça va, comme il a été énoncé dans le hadith Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait une longueur qui était beaucoup plus grande, mettez-la dans barakatoufikoum. Lorsqu'il revenait du ruku', tamam, et entre les deux sujoud, il mettait une longueur qui était beaucoup plus longue que pendant qu'il était en ruku' et pendant qu'il était en sujoud. Comme ça, c'est le cas du hadith Anas, muttafaqun alayhi, qala kana yutil fi ba'di arkan as-salah duna ba'din. Wa qala kana Anas idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. أنس بن مالك radiallahu ta'ala anhu, il avait pour habitude, lorsqu'il priait, lorsqu'il revenait dans le recours, yani de s'étaler dans le recours jusqu'au point qu'une personne pouvait dire, mais je pense qu'il a oublié. Et il dit, kadhalika, entre les deux sujoud, il dit, yani, tu avais l'impression qu'il avait oublié sa prière. Il avait oublié sa prière, c'est-à-dire que vraiment il s'est allé et il allongeait dans ces deux piliers-là, c'est-à-dire entre les deux sujoud et lorsqu'il est revenu dans le recours. Et il nous dit, inni la alu anusalli bikum. Il dit, je m'efforce à prier avec vous comme le professeur sallam il s'est forcé de le faire avec nous. Comme le professeur sallam il s'est forcé à le faire avec nous. Ensuite, il s'est mis à prier de manière dont Thabit yani nous l'a décrit. C'est-à-dire que pendant, entre les deux, barakallahu fikum, et après qu'il est revenu du rukou, yani il a vraiment essayé d'étaler d'une longueur que la personne disait, je pense qu'il a oublié. Donc le prophète sallam il avait l'habitude, Kadhalika a l'habitude de le faire car Anas ibn Malik il l'a pris de lui. Donc ceci nous prouve que le fait de faire d'observer une longueur qui est équivalente entre ces quatre piliers, tamam, c'est une sunna. Et le fait Kadhalika d'allonger certains des piliers à d'autres, tamam, sans respecter une longueur équivalente entre les deux, Kadhalika ça fait partie de la sunna. Donc tu as le droit de faire cela et tu as le droit de faire cela et dans les deux tu es toujours dans la sunna. Donc c'est bien de varier. Si jamais le prophète sallam il a fait entre ces deux choses-là, donc yani, il faut varier, car cela fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, أما الركوع, on a pu voir qu'il y avait des invocations à faire. Comme on a pu le voir, Subhana ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكذلك السبوح القدوس رب الملائكة والروح وكذلك ربنا لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تمام. Tous ces dua là qu'on a pu le voir, ça c'est les choses qui sont légiférées pendant al-ruku'. Et il nous dit, il nous fait part qu'il n'est interdit, تمام, il n'est pas licite de pouvoir lire le Coran lorsque tu es en sujoud et lorsque tu es en ruku'. لا يجوز كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Et la preuve qui nous prouve cela, c'est un hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous a dit, anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. N'est-ce pas que qu'il m'a été interdit de lire le Coran en position de ruku' ou bien en position de sujoud. Wa kadhalika, le hadith il est rapporté par Muslim. Et kadhalika hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous a dit, نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يعني علي بن أبي طالب que le prophète رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a interdit de lire pendant le ركوع et كذلك pendant les sujoud. Donc le jugement qu'a eu le Cheikh Al-Albani, il est conforme à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, donc il est totalement interdit de faire cela. Ensuite les ulama ils ont divergé, est-ce que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit cela, est-ce que c'est pour nous montrer que cet ordre-là, yani cette chose-là est détestable ou bien qu'elle est interdite? Comme vous allez voir, Inch'Allah, dans les jugements, ou plutôt les fondements de la jurisprudence, ou sur le fiqh, lorsque le Nabi Sassam il nous interdit une chose, ou Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit une chose, la base du jugement, c'est qu'il est interdit. La base dans le Nahi, lorsque le Nabi Sassam nous interdit une chose, c'est quelque chose-là, yani elle est haram. C'est-à-dire que tu as commis un péché si jamais tu le fais. Tu as commis un péché si jamais tu le fais. Et le fait de dire que c'est détestable, il n'y a pas de preuve qui prouve cela. À part si jamais il y a une preuve, ou plutôt une chose qui vient et qui dérive l'interdiction vers le fait que ce soit détestable. Et ce n'est pas le cas ici. Donc le hadith et les textes dans ces deux hadiths-là, ils doivent rester tels quels, c'est-à-dire que c'est une interdiction. Et la personne qui fait cela se voit exposée au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne se répond pas, yawm al-qiyamah, et tout en n'ayant fait pour cela un péché. Il a commis un péché par cela. Cheikh Mohamed ibn Hizam hafizahullah ta'ala nous a fait part dans l'explication de Bulugh al-Maram à Damaj. Est-ce que yani il est possible à la personne qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, tamam, avec des invocations qui sont venues dans le Coran? Est-ce que ceci yani fait partie de la lecture du Coran dans le ruku' wa sujud? Est-il possible d'invoquer Allah azawajal avec des invocations qui sont venues dans le Coran pendant le ruku' wa sujud? Il nous dit, inshallah, il y a pas de mal à cela. Et il dit, hatta yani, la personne n'a pas à changer yani, certains termes qui sont évoqués dans les du d'un Coran, yani, de crainte à ce qu'il rentre dans l'interdiction, c'est-à-dire le fait qu'il lit le Coran pendant la prière. Il nous dit, hatta yani, s'il veut, il s'en tient à répéter ce qui est venu dans le Coran comme le dua. Et il dit par cela, il ne va pas rentrer dans l'interdiction, il dit parce que les œuvres selon leur intention. Il dit lorsque cette personne-là a fait ce dua-là, il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par les meilleurs dua qui se trouvent, c'est-à-dire dans le Coran. Et il nous dit, pour cela, il n'a pas besoin de respecter le fait qu'il change certains termes pour dire qu'il n'a pas lu le Coran. Non. Il dit, tout repose sur quoi? L'intention. Si jamais il avait l'intention de lire pendant Ruku' ou bien Sujoud, il rentrait dans l'interdiction. Mais si jamais il avait l'intention de prendre, et pour cela les meilleurs dua, tamam, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce ses demandes, il dit dans ce cas-là, il ne sera pas, il va pas rentrer dans l'interdiction car il n'a pas eu l'intention de lire, mais lakin, de prendre les meilleurs dua qui existent c'est dans le Coran. Tamam. Donc il nous dit, Inch'Allah ma fi shay, tamam. Il n'y a pas de mal à cela de lire, barakallahu fikum, des invocations pendant al-ruku' ou bien al-sujud, à partir du moment que la personne n'intentionne pas, par cela, de lire le Coran. Amma al-ruku' wa sujud, ou plutôt al-ruku', yani le asl fihi, c'est que, même si jamais tu peux faire des du'as, tamam, c'est que tu immensifies Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith ibn Abbas, amma sujud, amma al-ruku' fa'azzimu fihi al-rab. Quant au ruku', tamam, dans l'inclinaison, immensifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne cela, il nous recommande cela, c'est-à-dire qu'on doit faire précéder la louange et l'immensification, le fait que tu glorifies Allah Azzawajal, au fait que tu demandes à Allah Azzawajal. Mais le fait de la demande, elle est plus réservée et plus spécifiée. Pourquoi ? À sujoud. Mais le ruku', tu dois glorifier Allah Azzawajal. Mais si jamais tu lui demandes pendant le ruku', c'est tout à fait légiféré qu'à tel cas. Lakin, ce qui est recommandé, c'est que tu glorifies Allah Azza wa Jal. Et Dalil qui prouve cela, c'est que lorsque tu te lèves du ruku', qu'est-ce que tu dis? Samia Allahu liman hamida. Tu dis pas Samia Allahu liman da'ah. Tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce celui qui l'a glorifié. Et tu dis pas Samia Allahu liman da'ah. Tu dis pas yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce celui qui l'a invoqué. Donc le fait que tu dis Samia Allahu liman hamida, ça veut dire que pendant le ruku', là, avant que tu te lèves, tu es en train de quoi? Glorifier Allah Azza wa Jal, car l'alhamd, c'est le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs les plus parfaits. Donc ceci nous prouve que cette position-là, elle est spécifiée pourquoi? Pour que tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala avec les invocations qu'on a pu évoquer. Tamam. Lakin al-dalil qui nous prouve que tu as le droit de faire cela, c'est-à-dire que tu es quand même kadalika, tu peux invoquer Allah Azza wa Jal qui te donne parmi les biens d'ici-bas et dans l'au-delà. La parole du Prophète sallam dans Hadith Aisha, radiyallahu ta'ala anha, dans lequel Nabi sallam disait dans ce ruku', subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. Tamam. Donc à la fin de cette dua là, après qu'il ait glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, exempté de tout défaut, il a dit allahumma ighfir li, Seigneur pardonne-moi. Donc il lui a demandé une dua, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne. Tamam. Et on peut même hatta voir que cette chose là tamam, c'est l'interprétation du verset comme il a été évoqué dans le hadith Aisha, dans le verset فسبح بحمد ربك واستغفر يعني دو سورة النصر فسبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني الله سبحانه وتعالى lui ordonné بارك الله فيكم de lui demander le pardon فسبح بحمد ربك تمام واستغفره إنه كان توابا car c'est lui qui a fait le repenti. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est conforme à cet ordre-là, et il lui a dit Allahumma ighfirli pendant le ruku', donc ceci nous prouve que tu es qui légiféré à la personne pendant le ruku', kadhalika, d'immensifier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et kadhalika, de lui demander. Lakin al-asl, la chose que tu dois faire précéder, c'est de glorifier Allah azza wa jal. Hatta yani, comme a dit le Prophète, fabda'u bima bada Allahu bihi. Commencez par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a commencé. C'est-à-dire lorsqu'il lui a ordonné, dans ce verset précédemment cité, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Il a fait précéder quoi? La louange et le fait qu'il soit glorifié à la demande de pardon. Donc c'est cette conduite qu'il faut qu'il soit respectée par barakallahu fikum, quand la personne a un ruku', tamam, a fait précéder la louange pour Allah azza wa jal. Ensuite, il a glorifié Kadalika, et ensuite, s'il veut, barakallahu fikum, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mieux, c'est de s'en tenir à ce que Nabi Sassam il a fait pendant le ruku', c'est-à-dire, à part ramener des invocations de soi-même. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala, al-i'tidalu min al-ruku', le fait de se relever après al-ruku', après que tu as fait l'inclinaison, après que tu as glorifié Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue et par tes membres. Il lui est demandé à celui qui prie de se relever du ruku'. Ça s'appelle al-i'tidal, le fait de se tenir droit après al-ruku'. قال ثم يرفع صلبه من الركوع وهو ركن. Il nous dit après cela, après qu'il ait glorifié Allah Azza wa Jal par ses membres et par sa langue, il doit relever tamam, sa colonne vertébrale, c'est-à-dire se mettre droit après qu'il ait fait le ركوع. Et ça, il nous dit, c'est un pilier. وهو ركن. Et la preuve qui nous prouve cela que c'est un pilier, hadith al-musi salata, tamam, le hadith de celui qui ne savait pas prier, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se tenir droit après le ركوع. فقال له ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. Il lui a dit ensuite redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes debout après le ركوع, tamam. تعتدل قائمة. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants, ils voient que ceci est un pilier, car ça fait partie des énoncés qui ont été évoqués dans le hadith de celui qui ne savait pas prier. Et comme on le répète, et inshallah, on ne se fatigue pas et on ne se lasse pas de le répéter, dans le hadith là, les ulama sont tous unanimes que les énoncés qui sont évoqués dans ce texte là, et sont, il y en a le jugement de ces choses là, sont des piliers. Tamam. Lakin khalafa fi dhalika Abu Hanifa, tamam, Abu Hanifa et ceux qui l'ont suivi, rahimahullah ta'ala, ils voient que le fait de se tenir droit après le ركوع, tamam, c'est une chose qui est recommandée et non pas un pilier. Et nous dit, on lui demande la preuve pour cela, et ils ont trouvé la preuve pour lui que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné cela. Lorsqu'Allah azza wa jalla dit, ya ayyuhalladhina amanu sujudu warka'u, ô vous qui croyez, prosternez-vous et inclinez-vous. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de revenir, tamam, après le ركوع. Il n'a pas ordonné de revenir après le ركوع et de se tenir droit dans cela, tamam. Donc il nous dit, le fait qu'il ne nous ordonne pas Allah azza wa jalla, ceci, on ne peut pas juger de cette chose-là qu'elle est une obligation. Ou même, yani, un pilier. Lakin, comme on a pu le voir, tamam, à travers la parole de Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, que l'imam Abu Hanifa, c'était quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir, yani, de nombreux hadiths lui permettant de pouvoir avoir des avis justes dans la jurisprudence, tamam. Donc il se contentait à ce qu'il avait, c'est-à-dire 10 hadiths comme l'a évoqué, et le Coran, tamam. لكن لا سنة لمقدم على أبو حنيفة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أو بكم خير ne faites précéder à la parole d'Allah عز وجل et celle du prophète صلى الله عليه وسلم aucune chose, et craignez Allah عز وجل. Donc le fait de craindre Allah, c'est de faire précéder la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, dans laquelle il a dit ثم ارفع حتى تعتدل قائمة, ثم ارفع حتى تعتدل قائمة, ensuite relève-toi ou redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes droit pendant il y en a après le ركوع, tamam. Donc ce hadith il doit être Il doit précéder à la compréhension de l'imam Abu Hanifa et autres. Donc l'avis de la majorité des savants est juste, c'est-à-dire de juger que le fait de revenir après le ركوع, se tenir droit, se dresser bien comme il le faut après le ركوع, c'est une chose qui est un pilier de la prière. Celui qui le délaisse, c'est-à-dire qu'il revient du ركوع, ou bien du ركوع directement, plutôt je veux dire du ركوع et vont sujoud, ou bien il revient au ركوع mais d'une manière vraiment rapide, sans ressentir qu'il s'est tenu droit et s'est redressé, et que ses os sont revenus tous et à leur place, sa prière allait, ou plutôt son unité de prière allait, invalide. Donc il doit recommencer la prière si jamais il n'a pas ramené cela. قال رحمه الله تعالى ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمدا وهذا واجب. Il nous dit, et lorsqu'il revient à partir du moment où lorsqu'il est en train de se relever, se redresser, il doit dire سمع الله لمن حمدا, et ceci est une obligation. وهو واجب وهو كما قال شيخ رحمه الله تعالى. C'est une obligation de dire سمع الله لمن حمدا lorsque la personne est en train de se relever, tamam, du ركوع. Et ceci incombe, barakallahu fikum, seulement l'imam ou celui qui prie individuellement, tamam, à qui est adressée cette obligation-là, à celui qui est imam ou celui qui prie individuellement. Et la preuve qui nous prouve cela, hadith, barakallahu fikum, Abi Huraira, qui est muttafaqun alayhi, dans lequel il dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمدا حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Donc ce hadith authentique, il nous est rapporté que Nabi صلى الله عليه وسلم il disait سمع الله لمن حمدا lorsqu'il redressait, tamam, son dos du ركوع, et lorsqu'il était debout, il disait ربنا ولك الحمد. Donc le fait que Nabi صلى الله عليه وسلم le faisait, ceci nous prouve, et c'était l'imam des musulmans, donc ceci nous prouve que l'imam, tamam, kadhalika après lui, tous les imams après lui doivent faire la même chose, c'est-à-dire à partir du moment où il se redresse, il doit dire سمع الله لمن حمدا, tamam, donc à partir du moment. Et c'est pas lorsqu'il est debout. Tamam. Ceux qui font ça lorsqu'il est debout, ça c'est une khata. Tamam, c'est une khata. Il doit dire ça lorsqu'il se redresse. سمع الله لمن حمدا كان يرفعه إذا قال سمع الله لمن حمدا. Quant aux personnes qui sont présidées, eux, il leur revient de dire Rabbana wa lakal hamd. Bas, tamam. Car il y a une preuve qui nous prouve cela, كذلك سي حديث أبي هريرة متفق عليه دون لكال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم lorsque l'imam fait takbir faites vous après يعني التكبير et lorsqu'il dit سمع الله لمن حمده lorsqu'il se relève du ركوع il nous dit النبي صلى الله عليه وسلم dites ربنا ولك الحمد dites يعني ربنا ولك الحمد. Donc il nous a pas dit de dire comme il a dit ما قال فقولوا مثل ما قال. Il n'a pas dit « dites », il y en a ce qu'il dit. Mais il nous a dit de dire « Rabbana wa lakal hamd ». Donc ceci nous prouve qu'il n'est pas obligatoire, ou plutôt même qu'il n'est même pas légiféré, la personne qui est présidée lorsque l'imam dit « Sami'a Allahu liman hamida » qui dit aussi « Kadhalika sami'a Allahu liman hamida ». Là, il se contente de dire quoi ?« Rabbana wa lakal hamd ». Il se contente de dire ça « Rabbana wa lakal hamd ». Donc pour l'imam, à partir du moment qu'il se relève, il dit « Sami'a Allahu liman hamida ». Et celui qui est barakallahu fikum, celui qui est présidé, il dit Rabbana wa lakal hamd lorsqu'il est debout. Rabbana wa lakal hamd. Qala rahimahullahu ta'ala. Pour revenir au jugement, il nous dit hadha wajibun. Il dit c'est une obligation car Nabi sallam lui a quoi? Il lui a ordonné de faire cela. Fa qala idha qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu Rabbana wa lakal hamd. Dites Rabbana wa lakal hamd. Donc le fait qu'il nous ordonne cette chose là, ceci nous montre que le jugement pour cela, pour cette personne là, c'est que c'est une obligation, c'est une obligation. Amma l'imam, on ne connaît pas de dalil par rapport à cela, par rapport à l'imam, que Nabi Sallam il a ordonné de faire cela. Lakin kana Nabi Sallam yafal zalika. Donc, wallahu a'lam, yani dans, pour le, l'imam, c'est une recommandation. Amma celui qui est présidé, il doit dire, tamam, Rabbana wa lakal hamd. Pour lui, c'est une obligation, tamam. Pour lui, c'est une obligation, même si jamais on peut, wallahu a'lam, ressentir à travers la parole de l'imam al-Albani, que yani, c'est une obligation pour tous. Pour celui qui prend du vêtement, pour celui qui est imam, ou pour celui qui est présidé. Wallahu ta'ala a'lam. Inch'Allah, on va essayer de regarder un peu plus par rapport à cela. Lakin, yani, d'apparence, yani, à la déduction des textes, tamam, Nabi sallam, yani, kana yafal zalika. Donc, le fait qu'il fasse une chose, barakallahu fikum, c'est quoi? Le premier degré de ce jugement-là, c'est quoi? C'est qu'il y a une recommandation à partir du moment qu'il n'y a aucune chose qui montre au contraire. Ça, c'est des règles qui sont, observées chez le ulama comme chez Talab al-Ilm, tamam. Donc, on a des règles sur lesquelles on marche. Sur laquelle ils désusent les choses qui sont les mêmes pour les ulama et pour kadhalika tullab al-ilm. On ne connaît pas yani, que Nabi sallam il a ordonné à l'imam ou s'est ordonné à l'imam. Certains peut-être ils vont dire qu'au Nabi sallam sallu kama ra'aytumun yusalli. Ce hadith-là, on ne peut pas le prendre dans tous les aspects de la prière, car si jamais on faisait cela, toutes les recommandations ou bien toutes les choses dans la prière seraient quoi? Un jugement obligatoire. Car le fait qu'il dise sallu kama ra'aytumun yusalli, priez comme vous m'avez prié, dit là c'est une obligation. C'est-à-dire tout ce que fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit le faire de manière obligatoire, car il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, faites comme j'ai fait. Lakin ce hadith là comme ils disent yani il est restreint. Tamam, c'est pas à toute chose qu'il faut appliquer ce hadith là. Wallahu tabaarak wa ta'ala a'lam. Amma yani al ma'moum, celui qui est présidé, ma'rouf. Qulu rabbana wa lakal hamd. Inch'Allah, on va essayer de regarder un peu plus par rapport à cela, car le fait que Cheikh Al-Albani dit cela wa huwa wajibun, c'est clair qu'il a déduit d'une chose, yani peut-être que ça m'a échappé. Donc inch'Allah, on va essayer de approfondir ce sujet là. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه إذا عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة. Il nous dit pour cela كذلك lorsqu'il revient du ركوع parmi les descriptifs de lorsque tu te relèves du ركوع c'est que tu lèves ta main كذلك lorsque tu reviens du ركوع. Donc comme on a pu le voir avec la قاعدة الشيخ العثيمين lorsqu'il dit ويرفع يديه تمام il levait ses mains, ce qui est voulu par les mains تمام c'est la paume, تمام c'est la paume mais c'est pas l'avant-bras. L'avant-bras, c'est l'outil qui va aider la main à se lever. Amma, ce qui est demandé d'être levé, barakatofikum, et d'être dressé, c'est que la paume. Amma, la personne peut dire, mais là, lorsqu'on vient du ركوع, c'est l'avant-bras qui est levé. Non, on dit, là, c'est l'avant-bras, c'est l'outil qui va te permettre de lever la main. Même hatta, wallahu alam, t'es même pas obligé de lever l'avant-bras. Le fait que tu reviens du ركوع, tu t'es redressé, le fait que tu élèves juste la paume, tu verras que la paume va correspondre avec quoi? La hauteur de ton épaule. Avec la hauteur de ton épaule, amma, si jamais tu veux essayer d'atteindre le lobe des oreilles, là tu vas être obligé un petit peu de t'aider des avant-bras pour que le bout de tes doigts il atteint barakatofikum le lobe de tes oreilles. Tamam. La kien, ce qui est voulu ici, c'est pas les avant-bras comme on a pu le voir, car il y a rien qui restreint cela. Et la preuve qui nous prouve cela, qu'il faut élever les mains, tamam, pour cela, le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, dans lequel قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. Le prophète il levait la main pendant, ou plutôt, yani, pour aller en ركوع, et lorsqu'il revenait du ركوع. Et comme l'a dit Cheikh Al-Albani, il fait de la manière dont il a fait dans les endroits où on a pu voir, c'est-à-dire dans Takbirat al-Ihram, on a pu voir qu'il y avait trois manières d'élever la main. Tamam, trois manières de lever la main. Tamam, c'est-à-dire, on avait pu voir avant le takbir, après le takbir, et au même moment du takbir. C'est-à-dire que lorsqu'il revient en rukou, il doit dire lorsqu'il est debout, Rabbana walakal hamd. Et à ce moment-là, s'il veut, il fait précéder, il lève les mains, et ensuite il dit Rabbana walakal hamd. Ou s'il veut, au moment où il lève les mains, il dit Rabbana walakal hamd. Ou s'il veut, il dit Rabbana walakal hamd, et ensuite il lève ses mains. Tamam. Donc, toutes ces choses-là, tamam, toutes les barakallahu fikoum, les piliers ou plutôt les endroits où il est légiféré de lever la main, tamam, à chaque fois, tu as le droit de faire ces trois choses-là. Car il y a un hadith qui nous prouve cela, et dans Bukhari, dans lequel il disait « Wa kana yafhalu zalika fi salatiha kulliha ». C'est-à-dire que dans toute sa prière, il avait, après qu'il a évoqué que Nabi Sallam, il avait pour habitude de lever sa main avant, après, au même moment, il dit qu'il faisait ça dans toute sa prière, c'est-à-dire toute la prière, c'est-à-dire que dans les moments qui sont légiférés pour cela, c'est-à-dire « Takbirat al-Ihram », quand tu vas en recours, lorsque tu reviens au recours, et comme on va le voir, Inch'Allah, lorsque tu te lèves pour aller à la troisième raka'a, après « At-Tashahud ». قال رحمه الله ثم يقول معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذ وهو ركن. تمام ندي. Ensuite, il doit dire, ou plutôt, ensuite il se lève, تمام, ou plutôt se redresse du ركوع, tout en étant droit. Il doit se redresser et nous dit ceci est un pilier, تمام, de la prière, le fait d'être droit, se redresser jusqu'à ce que chaque yani membre de son corps il reprenne sa place. C'est-à-dire que lorsqu'il est droit, il doit avoir une position, il y en a qui est bien ma'roufa, et les os, lorsque tu es droit, ils ont une position qui est bien connue. Et tous ces os-là, ils doivent, tous ces membres, tous tes membres et tous les os, doivent prendre cette posture, doivent prendre leur place, lorsque tu te redresses. T'as-même? Lorsque tu te redresses. Et la preuve qui nous prouve cela, comme on a pu le voir un petit peu avant, le hadith de celui qui ne savait pas prier, t'as-même? Dans lequel Nabi Sassam lui a dit, ثُمَّرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِيلَ قَائِمَةً. Ensuite, redresse-toi jusqu'à ce que tu sois droit, après, الرُّكُوعْ. T'as-même? Et les ulama sont tous unanimes, ou plutôt il y a une divergence comme on a pu le voir, avec la parole d'Abu Hanifa, laquelle c'est une divergence qui n'a pas lieu d'être, car le hadith, il est clair et il est authentique. Cette divergence-là qui a pu être évoquée de l'imam Abu Hanifa, elle n'a pas lieu d'être dans ce siècle-là, quand même, car on fait précéder la parole de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam à celle d'Abu Hanifa et non celle d'Abu Hanifa sur celle du professeur sallam, tamam. Donc sur le même hatta qui dit il y a un ijma', ma fiche, tamam. Parce que vraiment, des fois il y a des khilaf qui n'a pas lieu d'être. Comme c'est le cas de ce khilaf-là, il n'a pas lieu d'être. Tamam, il n'a pas lieu d'être. Lakin est excusé, car comme le dit le Cheikh l'Islam Taïmata Rahimullah Ta'ala, il y avait certaines personnes qui faisaient des efforts d'interprétation avec les outils qu'ils avaient. Tamam. C'est pas comme à l'époque, c'était pas comme à notre époque. À notre époque, il y a Maktaba Shamila, tamam. T'as les kutub, tamam, qui sont réunis. Les gens, ils ont fait un effort, ils ont regroupé ce qui était éparpillé, tamam. Amma la personne à l'époque, pour un hadith, il devait aller de Mecca jusqu'à peut-être Bagdad, tamam, pour un hadith. Donc c'est pas le wad'a, tamam, la situation n'était pas la même qu'on la connaît à notre époque, tamam. Donc ces personnes-là sont excusées, car le fait de réunir la science à l'époque, c'était une chose qui dans laquelle était ressentie une difficulté, tamam, une difficulté, une mashaqqa. Donc l'imam Abu Hanifa, il est excusé, lakin le khilaf après, les gens qui viennent après Abu Hanifa, ils ne sont pas excusés, tamam, parce que le dalil, il est clair, net et précis. Il n'est pas excusé la personne, yani, qui, si jamais on regarde, il va directement en soujoud, tamam. Ou il revient, il se lève un peu comme un coq et ensuite il va en soujoud. Là, il n'est pas excusé. Cette personne-là, elle n'est pas excusée. Car toi, la science a été facilitée. Les ulama, ils sont venus, ils ont regroupé ce qui était éparpillé. Toi, tu n'as plus le droit à cette époque-là de diverger sur cette chose-là, tamam. Tu feras partie des personnes qui font précéder ton aql et tes points de vue sur le prophète sallam, et ça, c'est haram. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله كريمه الله سبحانه وتعالى. Donc ceci est un pilier, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, tu dois te redresser et tu dois te tenir droit, tamam, et il doit avoir un apaisement de cela, tumanina, tamam, tu dois être apaisé le temps que tu dises rabbana walakal hamd. Ensuite, si jamais tu veux, tu peux aller en rukou, tamam. Ensuite, je veux dire, si tu veux, tu peux aller en sujoud, tamam. Tu reviens, tu lèves ta main, rabbana walakal hamd, tamam, de manière avec méditation, c'est pas juste la langue qui dit, mais le cœur aussi, kadalika. Et ensuite, si jamais tu veux, tu peux aller en rukou, parce qu'on va le voir, tu peux rajouter sur Rabbana walakal hamd d'autres du'a. Et comme on a pu le voir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il était en rukou, tamam, la longueur qu'il avait observée dans le rukou, c'était la même qu'il observait lorsque quoi, il revenait du rukou, tamam. Donc, si jamais t'as mis 2 minutes, 1 minute dans ton rukou, essaie de mettre kadalika 1 minute, lorsque tu reviens du rukou, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations, et par le fait que tu le glorifies. قال رحمه الله تعالى ويقول في هذا المقام في هذا القيام ربنا ولك الحمد وهذا واجب على كل مصلين ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام فإنه ورد فإنه ورود شخية بيجاوب كسوتي والله أعلم فإنه ورد وممكن ورد فإنه ورد القيام وأما التسمية فورد الاعتدال فورود والله أعلم شخية بيجاوب كسوتي على كل حال دوك نجي dans ce paragraphe là que lorsque la personne il est debout il doit dire quoi Rabbana wa kalham que ce soit l'imam ou que ce soit la personne qui est présidée ou bien la personne qui prie individuellement tamam car yani le hadith il est venu sur cela dans lequel il nous dit ou il nous a dit que un Nabi sallam tamam kana yaqul Rabbana wa kalham wa huwa qa'im comme on a pu le voir dans le hadith yani dans le hadith qui est muttafaqun alayhi qala kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول سمع الله لمن حمدا إذا يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم disait lorsqu'il était debout ربنا ولك الحمد. وكذلك celui qui présidait. يعني il doit dire ربنا ولك الحمد après que l'imam il a dit سمع الله لمن حمدا. Donc يعني le fait qu'il nous s'est montré dans ce hadith là, يعني l'endroit où tu dois dire ربنا ولك الحمد pour l'imam comme celui qui est quoi? Comme celui qui est présidé. Donc يعني la personne qui est présidée ne doit pas se précipiter. Parce que des fois, tu vois, il y en a certains personnes qui sont présidées. Lorsque l'imam dit Samir Allah ou l'imam Hamida, il est en recours. Lorsqu'il a dit l'imam, il a fini de dire Samir Allah ou l'imam Hamida, tu vois qu'il, lorsqu'il est en train de se lever, il dit Rabbana wa lakalham. Ada khata. Parce que Rabbana wa lakalham, tu dois dire lorsque tu es debout. Le fait que toi, tu es en train de te déplacer jusqu'à la position pour être debout, ce n'est pas la position qui est légiférée dans laquelle tu dois dire Rabbana wa lakalham. Ça, c'est khilaf sunnah. Tu dois le dire lorsque tu es debout. Rabbana wa lakalhamd. C'est là que tu dois dire Rabbana wa lakalhamd. Donc il faut faire attention à cela. Car c'est une chose qui est observée. Il y en a chez beaucoup de personnes qui sont présidées. Et il faut faire attention à cela. Il dit dans ce maqam, dans ce qiyam, Rabbana wa lakalhamd. Donc il doit dire, lorsqu'il est debout, Rabbana wa lakalhamd. Et il a kadalika le choix de la dire de quatre manières. Il peut dire Rabbana wa lakalhamd avec le waw. Ou il peut dire Rabbana lakalhamd sans le waw. Ou il peut dire Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ou il peut dire Allahumma Rabbana lakal hamd. Tamam. S'il veut, il rajoute le waw, Rabbana wa lakal hamd. Ou si jamais il veut, il ne le met pas. S'il veut, il rajoute Allahumma wa avec le waw. Ou s'il veut, il rajoute Allahumma sans évoquer le waw. Lakin, tous ces différentes manières de faire, tout ça a été authentique. Et comment ça s'appelle évoqué dans les deux recueils les plus authentiques après le kitab d'Allah Azzawajal qui sont Al-Bukhari wa Muslim. Donc ces quatre manières de dire Rabbana wa lakalhamd sont toutes authentiques et la meilleure et c'est le fait que tu dis quoi Allahumma Rabbana wa lakalhamd. Allahumma Rabbana wa lakalhamd. Car comme ils disent les savants dans l'aura ou bien dans le balara, ils disent Ziyadatu fil bina, ziyadatun fil ma'na, ziyadatun fil bina, ziyadatun fil ma'na. Le fait que tu rajoutes beaucoup plus de lettres même dans une chose, dans le sens il est à peu près d'apparence il est le même, le fait que tu as rajouté plus de huruf, tu as même plus de lettres, ça va rajouter dans le ma'na. Naam. Car le fait que tu dis Allahumma Rabbana wa lakal hamd, c'est comme si jamais tu disais Ahmaduka ou Hamadnaka wa lakal hamd. Allahumma Hamadnaka wa lakal hamd. C'est comme si tu disais Seigneur, nous t'avons loué et la louange t'appartient. Ah, mais si jamais tu ne mets pas le waw, c'est comme si jamais tu disais quoi? La louange t'appartient. Et on peut voir que la première formule est dans la ma'na est beaucoup plus que la deuxième formule. Allahumma wa lakal hamd. Mon Seigneur, nous t'avons loué et la louange t'appartient. C'est beaucoup plus dans le ma'na que si jamais tu avais dit Allahumma lakal hamd. Notre Seigneur, à toi, seul appartient la louange. Donc c'est mieux de dire Allahumma rabbana wa lakal hamd. Lakin, si jamais tu dis Allahumma lakal hamd, c'est tout à fait possible. C'est ja'iz. Et il nous a dit c'est wajib, comme on a pu le voir, il y en a pour celui qui est présidé. Et Inch'Allah, on a dit on va approfondir la recherche par rapport à celui qui est quoi? Par rapport à celui qui est imam ou bien celui qui prie individuellement. Ama celui qui est présidé, c'est ma'ruf. Comme a dit le Prophète صلى الله عليه وسلم, إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Dites, يعني Allah subhanahu wa ta'ala, dites, يعني Seigneur à toi, Seigneur nous t'avons loué et à toi appartient la louange. Lakin Cheikh Al-Albani lui voit que même l'imam, c'est obligatoire pour lui. Mais Inch'Allah, on va réviser cela, on va approfondir, on va essayer de trouver d'où il a déduit cette obligation-là. Car d'apparence, il n'y a rien qui prouve cela. Et il nous dit, le fait que tu dises « Rabbana wa lakal hamd » il nous dit, ça c'est le moment où tu, ça c'est à partir du moment où tu es debout. « Fa innahu wardul qiyam » Au wurud al-qiyam. Ou amma tasmi'a, le fait que tu dis sami'a Allahu liman hamida, il nous dit c'est quoi? Fa wurud al-i'tida, c'est à partir du moment où tu es en train de te redresser. قال رحمه الله تعالى ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. Il nous dit, il doit marquer à peu près le même temps d'arrêt, c'est-à-dire lorsqu'il se relève du ركوع. Et là, dans le ركوع, il nous dit la longueur doit être à peu près équivalente, même, elle doit être à peu près équivalente. Et comme on a pu le voir, نعم, dans le hadith, barakallahu fikum, d'al-Bara, dans lequel nous dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركوع وفي سجدة وفي سجود وما بين السجدتين ما خلى القيام والقعود نعم قريبا من السواني دي النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était en recours et lorsqu'il revient du recours et lorsqu'il était dans sujoud et entre les deux sujoud, il dit marquer un temps d'arrêt qui était à peu près équivalent, qui était à peu près équivalent. Comme on peut voir, ça c'est une sunna, quand même, c'est pas une chose qui est obligatoire et c'est une chose dans laquelle il faut varier cas par cas, car le Nabi sallam il a varié entre cela et entre cela. Pour revenir vite fait inchallah avant de conclure par rapport au doua, نعم نعم لكن ينجي شيخ الألباني وهناك أذكار أخرى إن شاء الله الأذكار on va les voir pour le prochain cours. تمام on va voir كذلك lorsque نعم est-ce que tu dois mettre les bras au long du corps ou pas, parce que Cheikh Al-Albani l'a pas évoqué, mais إن شاء الله cela on va l'évoquer parce que là ça va être un peu juste. On va juste évoquer يعني إن شاء الله par rapport à la semaine dernière, et j'ai oublié de vous évoquer trois choses, plutôt deux choses. C'est quoi le jugement, quel est le jugement d'invoquer pendant dans le recours? C'est quoi le hukm de Adhkar? Est-ce que c'est une chose qui est obligatoire ou bien c'est une chose qui est recommandée? Est-ce que tu peux te mettre en recours et tu te tais, ou bien tu peux observer le silence dans le recours, ensuite tu te relèves, ou bien il faut que tu évoques yani, par rapport à cela? Les ulama ont divergé par rapport à cela. Certains d'entre eux ont dit c'est mustahab, c'est recommandé que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt que tu le glorifies pendant un recours. Ils ont dit yani, le hadith du Moussa, celui qui ne savait pas prier, tamam, celui qui ne savait pas prier, il ne lui a pas recommandé, ou plutôt ordonné de quoi? D'invoquer pendant la prière. Donc il nous dit, ceci nous prouve que c'est recommandé, le fait que Nabi Sallam ne l'a pas ordonné. Donc ceci nous prouve que c'est une recommandation. Certains ont dit, non, c'est une obligation. Et ça, c'est la vie qui est juste. Car Nabi Sallam, il a dit quoi? Fa'adhimu fihi al-Rabb. Amma sujoud fa'amma al-Rukwa fa'adhimu fihi al-Rabb. Quant au Rukwa, glorifié. Donc il a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains, ils ont dit quoi? C'est un Rukn. C'est une obligation. Plutôt, c'est un pilier, laquelle, non? Par rapport à cela, on peut leur dire que Nabi Sallam, lorsqu'il a délaissé at-tashahhud, ensuite, après cela, il a quoi? Il a récupéré cela, il a comblé ce manquement par quoi? La prosternation de distraction. Et c'est ma'ruf, il y en a dans At-Tashahhud, il y a du tasbih, il y a kadalika du barakallahu fikum, il y a du tasbih, il y a kadalika du takbir, tamam? Donc, il y en a, si jamais ceci aurait été un pilier, tamam? Nabi sallam, il ne serait pas contenté de la prosternation de distraction pour combler ce manquement-là. Car avant cela, eux, ils ont pris comme dalil ceux qui ont dit que c'est un pilier. Ils ont dit, Nabi sallam, il a dit, إن الصلاة يعني لا يصلح فيها شيء من الكلام وإنما هو تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: "La prière, il n'est pas légiféré de parler pendant la prière. لكن la prière a se restreint au tasbih, au takbir et au fait de lire le Coran." Il nous dit: "يعني la prière, يعني les valeurs de la prière c'est cela: lire le Coran, faire du takbir et faire du tasbih." Donc il dit le fait que tu fasses pas le tasbih, c'est-à-dire glorifier Allah Azza wa Jalla pendant le rukou', il dit là t'as manqué à une valeur de la prière. Et ils disent le fait de manquer à une valeur de la prière, yani ça annule la prière, parce que il faut ramener les valeurs de la prière pour que la prière soit barakallahu fikum yani acceptée. Lakin comme on a pu le voir, quand même Nabi sallam il a laissé at-tashahhud tamam par distraction, et après cela il a ramené tashahhud, il a ramené je veux dire la prosternation de distraction pour combler ce manquement là. Et on a vu, on peut voir que dans tashahhud il y a du tasbih kadhalika, il y a du takbir, il y a des choses qui font partie des valeurs de la prière, mais malgré cela il s'est contenté de la prosternation de distraction pour combler le manquement. Donc on dit là la même chose, celui qui n'a pas ramené les invocations dans le rukou', quand même, il a commis un péché si jamais il l'a fait exprès. Lakin si jamais il l'a fait par distraction, il ramène par cela quoi? La prostration de distraction, et sa prière sera valide par cela, quand même. Et c'est pas une chose qui annule la prière, c'est pas une chose qui annule la prière, qui l'a fait avec Barchlofi, comme s'il l'a fait volontairement. Ça une fois la prière, lakin il a commis un grand péché, quand même un gros péché plutôt. Et si jamais il a fait par distraction, Inch'Allah, il ramène sous de sahou, la prostration de distraction, et cela, Inch'Allah, comblera le manquement. Donc, yani, le fait que tu invoques Allah Azza wa Jal pendant le recours, c'est une chose qui est obligatoire. C'est obligatoire. Et la preuve de cela, Amma al-Rukur fa'adhimu fihi al-Rabb. Quand on recours, glorifie Allah Azza wa Jal. Donc, le fait qu'il nous ordonne, c'est une obligation. Glorifie Allah Azza wa Jal. Et kadhalika, même par rapport à la glorification, même le fait de glorifier, yani, qu'est-ce qui est le premier degré de glorification qui va faire que tu t'es conformé à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te dit fa'azzimu fi ar-rabb, et à partir de quel moment tu rentres dans cela, il nous dit à partir du moment où tu es contenté tamam d'évoquer ce que le Nabi sallam a évoqué, c'est-à-dire que tu dis subhana rabbiya al-azim, tamam. Et certains ulama ils disent yani il y a pas d'autre chose qui valide le fait que tu aies répondu à l'appel du prophète sallam dans cette ordre-là, c'est-à-dire de glorifier Allah azza wa jalla, que par le fait que tu dis subhana rabbil azim. Lakin les ulama ils ont dit non, c'est par toutes les choses qui ont été légiférées et évoquées du prophète sallam. Comme qu'on a pu le voir, il y a plusieurs choses qui ont été légiférées par rapport à cela. Le fait que tu dis subhana qudus rabbul malikati rabbul malaikati wal ruh wa kadhalika subhana dhil jabarut wa malakut wal kibriya wal azama wa kadhalika kum la tuwar rabbana laka raka'tu wa laka amantu wa bika amantu jadia wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi tamam. Le fait que tu dis ça, yani c'est des choses qui ont été légiférées du prophète sallam, tamam. Donc le fait de dire, qu'on se limite à dire subhana rabbil azim, ça c'est faux, tamam. Tu dois te limiter à ce qui a été évoqué du prophète sallam, et par cela tu t'auras répondu à tamam, à l'obligation. Non, c'était tout inchallah par rapport à cela. C'était deux choses que je voulais évoquer pour compléter ce qu'on a pu voir vendredi dernier, tamam. Donc le jugement des invocations, et quelle est la chose par laquelle se valide cette obligation-là. Inch'Allah, j'espère avoir été clair par rapport à cela. Si jamais il y a d'autres questions ou bien éclaircissements, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, pour le vendredi prochain, tamam. Parce que là, ils vont faire les qamal, Inch'Allah. Afwan, Inch'Allah. À t'adir, je ne peux pas répondre par rapport à cette question-là. 86.85. Tamam. Et Inch'Allah, on va essayer de faire. Il y aura un séminaire qui va se tenir en place, Inch'Allah, dans deux semaines. Tamam, Inch'Allah, dans la mosquée de Champigny. Inch'Allah Ta'ala. Jusqu'à là, les frères de Champigny, ils sont d'accord par rapport à cela. Tamam, ça sera donc par téléphone et kadalika par sur une speak. Un séminaire qui sera yanné autour du Minhaj. Tamam, on va parler autour du Minhaj pendant deux jours. Ça sera le samedi et le dimanche. Inch'Allah Ta'ala. Donc il n'y a rien de sûr. Tamam. On ne sait pas ce qui va arriver, mais Inch'Allah, là, toutes les choses sont mis en place pour qu'on puisse mettre en place comme ce séminaire-là, et dans lequel il y aura la participation de Cheikh Yahya, Inch'Allah, le dimanche, et pour mettre un khatm, comme on dit, pour conclure ce séminaire-là, Inch'Allah. Donc Inch'Allah, Cheikh Yahya, il sera présent, il va participer, kadalika Cheikh Yahya Abdelkarim Abu Amr Tamam Al-Hajouri, kadalika, il va participer à ce séminaire-là. Donc Inch'Allah, dans ces jours à venir, on mettra une annonce. Et ceux qui ont des questions à poser, tamam, profitez, Inch'Allah. Et elles seront posées, Inch'Allah, en temps et en heure, yani, avec Cheikh Yahya ou bien Cheikh Abu Amr, on verra. Lakin, Inch'Allah, nas'Allah Azza wa Jal, qui nous facilite cela, tamam, qu'on mette en place ce séminaire-là, Hawla al-Minhaj. Yallah, salam alaykum wa rahmatullah. Subhanakum wa rahmatullah. Subhanakum wa rahmatullah. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Al-hadar min ar-rukun ila al-zalama min shi'ah aw hizbiyyin. La tarkan ilayhim haula'i tha'abi.